à accorder aux détenus. De son côté, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandu, a indiqué que le magistrat doit avoir quelques qualités morales dans l'exercice de ses fonctions. Il doit être armé pour faire triompher la justice. On l'écoute. La justice doit être effective pour lutter contre l'impunité. Le magistrat doit, pour lutter efficacement contre la criminalité, savoir que dans la répression des infractions, les situations auxquelles il fait face sont différemment perçues. Le magistrat doit alors pouvoir faire la lumière en qualifiant correctement les faits et faire jouer le principe de la présomption d'innocence tant que la responsabilité n'est pas encore établie. Plus particulièrement, le magistrat debout doit garder à l'esprit qu'il instruit à charge et à décharge. Il doit pouvoir adapter la procédure aux faits et privilégier la procédure de flagrance dans tous les cas où c'est possible en vue d'une restauration rapide de la paix sociale troublée par des faits répréhensibles et flagrants pour restaurer vite l'apaisement. Conscient de la gravité de ces décisions, le magistrat doit écouter attentivement toutes les parties et tenter d'apaiser leurs tensions. Le magistrat doit être un homme toujours armé pour faire triompher la justice, protecteur intrépide de l'innocence. Lorsque le juge en perd le souvenir, c'est pour le malheur du justiciable. Le juge doit être très délicat et sonder parfaitement son cœur avant de donner son opinion, car comme le dit un certain Oscar Wilde, nous ne sommes si enclins à bien juger autrui que parce que nous tremblons pour nous-mêmes. Le président de la République qui a ouvert cette rentrée judiciaire a remercié les magistrats pour le travail accompli durant cette crise qui a débuté depuis fin avril 2015. Et les habitants du quartier Nhengabusolo de la zone Kanyosha se lamentent contre la lenteur de la direction de l'urbanisme pour la viabilisation de leur parcelle. Juvenal Nheshimana, un de ses habitants, dit qu'ils avaient disponibilisé 48% de leur parcelle pour le traçage des routes, mais que rien n'a été fait depuis 2008, à part les réunions qui se sont tenues en 2015, suivait Juvenal Nheshimana. Nous faisons partie de ceux qui attendent la viabilisation de Nhengabusolo. Depuis 2008, nous avons eu des réunions avec nos dirigeants, mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait. On attend toujours qu'ils tracent des routes, mais en vain. On ne peut rien faire dans nos parcelles, même vendre ou rénover nos maisons. Tout a commencé en 2008. On avait eu des discussions avec les COSAT. Ensuite, on nous a envoyé à l'urbanisme et par après à la CIB. On a eu une réunion avec la CIP en janvier 2015. Ils nous avaient promis qu'en juin 2015, ils allaient commencer à tracer les routes, mais les actes n'ont pas joint la parole. Il y a des habitants à qui leurs maisons ont été détruites pour dégager l'espace, mais les activités n'ont pas continué. Tout ce qu'on demande, c'est que le directeur de l'urbanisme intervienne pour notre cause et que ces routes soient tracées ou qu'on nous donne le droit de s'organiser entre nous ou qu'on nous réattribue les 48% de nos parcelles qu'on avait disponibilisées pour cette activité. Juvenal Nheshimana, un des habitants de Nhengabusoro, était traduit par Didier Nionzima. À la direction de l'urbanisme demande à ses habitants de s'adresser à la société immobilière publique SIP. Nous n'avons pas encore réussi à les joindre. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Page internationale à 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro en Éthiopie. Un deuil national de 3 jours est décrété après la mort de 58 personnes dans un festival ce dimanche au Cameroun. L'ancien capitaine de la sélection camerounaise de football est dans le coma. Enfin, le sud d'Haïti est déjà en proie aux inondations à l'approche de l'ouragan. Les détails avec Gildas Ruberingabo. À Haïti, l'inquiétude ne cesse de grandir à l'approche de l'ouragan Matthew. Alors que le pays enregistre déjà des inondations dans la péninsule sud, des rafales de vent et des pluies diluviennes sont attendues d'ici quelques heures. Comme on le lit sur le site web de la RFI, dans la capitale, la pluie est désormais continue, mais la situation est plus critique dans le sud du pays. Depuis la fin d'après-midi, ce lundi, le niveau de la mer monte. L'eau a notamment envahi les rues de la ville de Lekki. Au Cameroun, le footballeur